jour, j'ai juste une chose à te dire. Dis mon mari et toi, est-ce que ça va finir? T'es folle, mais qu'est-ce que tu imagines là? Je n'imagine rien, je vous ai vu hier dans sa voiture et puis voilà. Et puis voilà. Eh bien oui, je l'aime, il va te quitter. Cet après-midi, nous en avons parlé. Non, c'est un homme qui revient toujours. Tu n'es qu'une aventure et pas l'amour. Non, c'est un homme qui revit sous la près de moi. Il change tout à coup, il est jeune, il est fou dès qu'il sort de chez toi. Bien sûr, une maison ça prend la vie. Et je n'ai pas toujours le temps d'être jolie. Idiote, je n'ai pas les yeux que tu as. Mais toi, tu as le temps, tu respires la joie. Moi, je n'ai plus confiance en moi, confiance en moi. Allons donc, j'en connais qui pensent à toi. Mais tu vois celui-là, il est fait pour moi. Non, c'est un homme qui revient toujours. Tu n'es qu'une aventure et pas l'amour. Non, c'est un homme qui revit sous la près de moi. Il change tout à coup, il est jeune, il est fou dès qu'il sort de chez toi. Non, c'est un homme qui revient toujours. Et peu importe ce qu'il y a. C'est un homme qui revit sous la près de moi. Il change tout à coup, il est jeune, il est fou dès qu'il sort de chez toi. Non, c'est un homme qui revient toujours.